Le pour toi de la semaine. Après une pause depuis février, qui est de retour? Une star de chez nous. En Belgique? Oui. Paul Ward? Non. François Damiens? Non, un retour qui était très attendu, c'est une star dans la trappe. Attends, il y a quelqu'un qui a fait des concerts, c'est Mylène Farmer, mais... Avec une soupe au poireau. Une soupe au poireau. Bonne réponse. Chers compatriotes, aujourd'hui est un grand jour. Alain de Troyes est de retour. Par contre, la Brabançonne comme ça, ça va pas du tout. Je vous rappelle qu'on est à Charleroi. Car oui, Alain est à Charleroi. Et c'est beaucoup plus l'ambiance de Charleroi, ce titre. Pour ceux qui nous rejoignent, ça fait 30 semaines exactement que nous sommes bloqués en boucle sur... Une soupe au poireau. Et ça ne nous lâche plus. On va vite rappeler, c'est un monsieur qui se filme tous les jours pour dire aux TikTokers ce qu'il mange. Et il a repris du service! Alors, qu'est-ce qu'il a posté hier sur TikTok? Aujourd'hui, je sais qu'il fait chaud mais j'avais envie de pas, je mange des petites pâtes. Des petites pâtes avec... Avec de la bonne sauce. Avec un peu de mayonnaise dedans. que ça va être bon ça. Ça m'avait manqué. Ça va être délicieux. Alors, vous avez bien entendu? Ce n'est pas de la mayonnaise. C'est de la sauce samouraï, normalement. C'est de la... Avec un peu de mayonnaise dedans. De mayonnaise. Ce n'est pas de la mayonnaise, enfin. Ça, c'est une sauce, à mon avis, à lui, locale. On rajoute quelque chose, peut-être? Qu'est-ce que vous rajouteriez? Un peu de beurre. Moi, j'aime bien le beurre. Vas-y, oui, ça, on sait que t'es un cadeau. Non. Et, bien sûr, du fromage frappé et maltao. Oh, que ça va être bon, tout ça. Que ça va être bon, et on y est. Voilà, on peut le dire officiellement, c'est bon. Que ça va être bon. Oh, que c'est bon. Bon appétit, mes amis. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alain. Franchement, premier degré. Vous savez qu'avec l'équipe, quand on prépare cette émission, on a un peu un réseau de TikTokers qu'on suit comme ça, et c'est un peu le radar de l'émission, et on essaye de voir ce qui se passe un peu. Et il fait partie des gens chez qui on va systématiquement contrôler chaque semaine si tout va bien. Et depuis février, on a vraiment culpabilisé. On s'est dit, mais il est plus là. Et ça coïncidait, sa pause de TikTok, avec le jour où on a fait des canulars avec sa voix. C'est vrai. C'est justement ce que j'allais dire, voir s'il y avait déjà des projets en cours. Et c'était ce jour-là qu'il a arrêté TikTok. Donc on s'est dit, oh, oups, on espère que c'est pas à cause de nous. Mais non, là, ça y est, il a bien repris du service. Oh là, on s'en fait une deuxième. Il nous a tellement manqué, on va écouter le repas d'avant-hier. Aujourd'hui, je mange tacos de maison. Ah. Avec une bonne sauce à l'ail. Que c'est bon ça, la sauce à l'ail. Oh, bah oui, il fait des voix aussi, Alain, depuis son comeback. Super bon. Et on ne touche pas à mon tacos? J'ai mon tacos à moi. Fait maison. Bon appétit, mes amis. Prenez soin de vous. On prendra soin de nous, pas de problème. Merci, Alain. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Non, j'ai failli oublier le dessert. Après avoir mangé les moules, je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Un bon gâteau à la fraise. Oh, bon, les gâteaux à la fraise. Miam, miam, miam. T'en auras pas, c'est pour moi. T'en auras pas, c'est pour moi. Merci beaucoup, Alain.